Je sais l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendante. Je sais l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendante. Quelle joie que mes enfants se subissent avec entrain pour quelques motifs. Sans fondement, considérant ça comme un bien, je me repais. Du sang, de la bise et des larmes des petits innocents. Je m'abreuve sur leurs âmes, les chants, goulûment les larmes. Mes enfants, c'est malheureux, vous souffrez, je me pas m'épanouir. Je n'ai Dieu, non pour Dieu, mon mari, mais pour Satan. Mon amant, la virginité de Marie, je l'écrase suvémentement. Non, non, serais-je sur le point de faire la direction, je n'y vais pas bien loin. Je n'ai la prostituée du démon qui m'envoie des voix élevées en hurlement. Démon s'exprimant à ma place, je crois que je ne m'appartiens pas. Et pourtant, je me prélasse de la facilité de ce qui va. Cessez de me parler du sens de l'existence. Dans ma nuit, je suis égaré sur la nuit à toutes mes réjouissances. Je suis l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendant. C'est l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendante. Voyez ce que je suis devenu, une fontaine sanguinolente. Je ris dans mes larmes, ma scène. Je voudrais m'élever vers la grandeur voulue par Dieu. À mon sujet accordé comme un duvéa, l'alliance qu'il a contracté avec moi, sachant toutefois que je ne la respecterai pas. Et au lieu de cela, une gratitude profonde de ma part que je ne ressens pas de cette attitude immonde. J'aime me parer de mes plus beaux atours et à mes yeux recouvrer d'harmonieux contours. Pour recouvrer mon néant, j'irai jusqu'à tuer, sûrement le redécouvrir, de lever le regard de mon prochain, c'est de mon cauchemar. De la création, je me veux la diva, exigeant la soumission de la vie à mon moi. En frais de vanité, plutôt tout détruire, moi compris que de renoncer, affronter mon vide, rien de pire. Je suis l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendant. C'est l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle où l'on choisit pour l'ascendante. La plus sublime grandeur et la plus crasse des misères cohabitent dans mon cœur, sans cesse faisant la guerre. Je suis l'être écartelé en perdition, acculé ma partition et brûlé mon harmonie par enfumée. Il pleut de l'amertume dans le jardin de mon expression. Seule la mort y pousse la brume de mes fantasmes et passions, étouffant tout, empêchant les rayons divins de percer. Je suis l'humanité errant dans des labyrinthes désolés. Oui, non, je suis une percluse épuisée de contradictions, rompant avec peine dans le riz marécage, je ne mes illusions. Je tremble mes grenades de froid, perdu, ignorant vers où me tourner. Toutes les sombres, je me sens à la proie des ombres de cendres, je suis cerné. Dieu, Dieu, Dieu, tout perdu, c'est toi à m'assister. Je suis la pauvre exilée par un vieux fichier. Je ne sais où m'évader, je ne trouve pas en moi les forces pour appliquer ta loi. Oh mon Seigneur, prends ma foi en compte et serre-moi dans tes bras. Je suis l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle d'un choix pour l'ascendant. C'est l'humanité sanglante, le mal déguisé serpent. À chacun le choix de sa pente, celle d'un choix pour l'ascendante.